بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى مقالة؟ Un article. Comment on dit la force? القوة. البنيان. La construction ou les constructions. شد يشد. Renforcer. تباعد. يتباعد. Dedans, t'as le ba, le ayn et le del. Ah ouais, s'éloigner. Adama yudimu. Allonger, faire durer. Faire durer. Et tamassouk. Le fait de s'approcher de la tâche. طيب الأسئلة. لماذا شعر منصور بالسعادة؟ لما سمع ورأى من يحيى؟ ماذا سيفعل يحيى بعد أن يدرس الخريطة؟ سيكتب مقالة في إحدى الصحف عن المسلمين. ما الذي تعرفه عن الأمة الإسلامية؟ أنها أفضل الأمم أنها أفضل الأمة من الأمم. الأمم. من الأمم صح؟ أنها أفضل. أفضل الأمة من الأمم. مش بس. أنها من أنها أفضل الأمم أنها أفضل الأمم. ما الذي يجعل الأمة الإسلامية قوية؟ العقيدة الصحيحة. ما واجب المسلم نحو أخيه المسلم؟ التعاون. ما الذي يتمناه منصور للمسلمين؟ أن يديم بين المسلمين. أن يديم الله بين المسلمين. السعادة بالحب والتعاون. شو مسمى؟ شو بيجي بعده؟ تتمنى مس السوات؟ كيس كيس كيس سوات صح؟ والله جميل. أن يديم بين المسلمين السعادة والحب والتعاون. نعم. والتمسك بتعليم الإسلام. بتعاليم الإسلام. هل سيقرأ منصور ما سيكتبه يحيى؟ إن شاء الله. شو حجزه؟ بس كنت سابع فقط. تفضل. تنتشر الدول المسلمين في كل العالم. الدولة في المسلمين سيبروجي dans tout le monde. قوة المسلمين في عقيدتهم. La force des musulmans est dans leur croyance. تجمع بين المسلمين العقيدة الإسلامية. المسلمين c'est quoi, se partage ça? Ils se rassemblent. La croyance islamique qui rassemble les musulmans. Ta'awunu al-muslimin wa tamassukuhum wa tamassukuhum bi'aqidatihim bi'aqidatihim bi'aqidatihim sabab li nasr sabab li nasr. Kataba Yahya maqalatan fi ihda as-suhuf 'an al-muslimin. Yahya a écrit un article dans un des suhuf, c'est quoi, c'est un journal, dans un des journaux des musulmans. Un des journaux. Un des journaux des musulmans. Ma'rifatu ahwal al-muslimin amrun daruri. La connaissance de l'état des musulmans est quelque chose de obligatoire. Nécessaire. Inna taba'ud ad-dawal al-islamin al-muslimin sabab li da'f. je sais pas, trop ce qu'il a voulu parler. Non. Taïb. ندخلوا في درس التاسع والعشرين 29 لسن إلى مدانية بعنوان من قصص الفكاهة من قصص الفكاهة قصص الجمع قصة كي استوار الفكاهة سي المزاح استوار دغول استوار دغول. Donc là, bien évidemment, l'histoire racontée, c'est une histoire citée comme ça. C'est pas un truc qui est sahih, c'est pas un truc qui est... C'est une chose qui se raconte entre les gens, sans pour autant dire que c'est vrai, que c'est vraiment arrivé ou pas. Allez. Qissas, on vient de le dire. Al-fukaha kazalik. Ista'ara yasta'iru, ça c'est emprunté. Un objet, quelque chose. Kidrun. Là, c'est une marmite. Iddata, c'est plusieurs. Al-Kudur, c'est le djem de Kidr. C'est le pluriel. Al-Atbaq, ça, ce sont des assiettes. Des plats. Tarakayat Roko, dans le sens de frapper à la porte. Boukaoun, ça c'est les pleurs. Sa'ihoun, c'est quelqu'un qui... Sa'ih, c'est quelqu'un qui crie. C'est ce fa'il de sa'ih, sa'ihoun. Un crieur, quoi. Amala, ya'malou, mana, rajay, arjou, espérer. Aïe. Sakra, l'kissa. Donc, ça sera rapporté selon Djoha. Djoha, c'est un personnage, à ce qui paraît, il dit qu'il a soi-disant existé, et qui était pris comme exemple pour l'histoire drôle, dans la bêtise et la niaiserie. Qal, ista'ara Djoha min jarihi qidran kabira. Que Djoha a emprunté de son voisin une grande marmite. استعمله ثم رد القدر إليه في اليوم التالي ومعه طبق صغير. Donc il a utilisé, ensuite il a ramené la marmite, qui lui a ramené la marmite le jour d'après avec plusieurs petites assiettes. Ah, enfin une petite assiette. Avec une petite assiette, un petit plat. ودهش جاره وسأله. Donc son voisin était surpris, Dahija dans le sens d'avoir été surpris, étonné. Il a questionné. Ma hadha ya Djoha. Qu'est-ce que cela au Djoha? En parlant de quoi? Du plat. Faqal, Djoha il dit, laqad walada al-kidru al-kabir tabakan saghira. Il a dit, la grande marmite a mis au monde un petit plat. Wa karrara zalika iddat marrat. Il a répété cela plusieurs fois. وفي أحد الأيام طلب جحا من جاره. Non, c'est عددا. Il écrit عددا, c'est عددا. عددا من الكدور ليطبخ طعاما لضيوفه. Que جحا a désiré de son voisin qu'il lui prête un certain nombre de casseroles. Quand on dit marmite, c'est casserole également. Afin de pouvoir cuisiner de nourriture pour ses invités. فأعطاه جاره الكدور وهو يأمل أن يعيد جحا الكدور ومعها مجموعة من الأطباق. Donc son voisin lui a passé les casseroles, les marmites, en espérant que Jouha lui rende ses marmites et avec elle un groupe d'assiettes, de petits plats. En disant, je me donne une fois un petit plat, Inch'Allah il va me donner d'autres plusieurs maintenant. ومضى شهر والجار ينتظر أن يعود الكدور ومعها أطباق صغيرة. Donc là, il y a un mois qui est passé et le voisin attend toujours que les casseroles ne lui reviennent et avec des petites assiettes. فقصد الجار منزل جحا وطرق الباب بشدة. فوجد جحا يبكي. Donc le voisin a voulu se rendre auprès de Juha. Il a frappé à la porte avec force. Il a trouvé Juha en train de pleurer. وَدَحِشَ وَسَأَلَ جُحَا عَنْ سَبَبْ بُكَائِهِ. Donc il fut surpris et demanda à Juha la cause de ses pleurs. فَأَخْبَرَهُ جُحَا أَنَ الْكُدُورْ قَدْ مَاتَتْ. Donc Juha a dit à l'homme que les marmites, les casseroles sont mortes. فَرَافَهَا أَلْجَارُ سَوْتَهُ صَائِحًا. Donc le djihar se mit à lever sa voix en criant. وَكَيْفَ تَمُوتِ الْكُدُورِ يَا أَحْمَقِ. Il dit, comment ça les casseroles meurent, ô imbécile? أَحْمَقِ, imbécile, idiot. Tu vois, tu as donné le معنى. فَأَجَبَ وَجُحَا. Juha lui a répondu, أَنْتَ الْأَحْمَقِ. C'est toi l'idiot. كَيْفَ تُصَدِّقْ أَنَ الْكُدُورِ تَلِيدُ وَلَا تُصَدِّقْ أَنَهَا تَمُوتِ. إِنَّ الَّذِي يَلِيدْ لَبُدْ أَنْ يَمُوتِ. Il dit, comment tu as cru que les marmettes, les casseroles mettent au monde? Elles enfantent et tu ne crois pas qu'elles meurent. Il dit, celui qui met au monde, qui enfante, c'est obligé qu'il meure. Ah non. Donc là, c'est une histoire drôle qui sont racontées par rapport à Juha. Et là, en effet, il a bloqué son voisin. C'est-à-dire, le jour où je t'ai rapporté une insulte, t'as rien dit, t'as accepté, ben aujourd'hui, accepte aussi pareil. Non. Pareil. قال عجيب أن أسئلة ماذا استعار جحا من جاره؟ كيف جحا emprunté à son voisin ou de son voisin؟ On dit j'ai emprunté à, c'est ça؟ J'ai emprunté, ouais. À emprunté à son voisin. لماذا استعاره؟ Pourquoi l'a-t-il emprunté؟ متى رده؟ Quand est-ce qu'il a rendu؟ لماذا دحشا الجار؟ Pourquoi est-ce que le jar a été subjugué؟ لما طلب جحا من جاره عددا من الكدور؟ Pourquoi est-ce que Juha désire de son voisin un certain nombre de casseroles؟ لماذا اعطاه اياها؟ Pourquoi lui a-t-il donné؟ Le voisin, pourquoi lui a-t-il donné à Juha؟ كم يوما ابقى جحا الكدور عنده؟ Combien de temps Juha a-t-il fait garder les casseroles chez lui؟ ماذا فعل الجار؟ حينما لم يعيد جحا الأطباق والكدور. Qu'est-ce que le jar, le voisin, a fait lorsqu'il a vu que Juha ne lui rendait pas les assiettes et les casseroles? ماذا قال الجار لجحا؟ Qu'est-ce que le voisin dit à Juha؟ بماذا أجاب جحا للجار أو الجار؟ Qu'est-ce que Juha a répondu au voisin؟ أيما الأحمق؟ Lequel des deux est l'imbécile؟ نعم. تمام سنأخذ الثانية الآن كما في النموذج. عندنا جحا جار قدر سدفنو استعار جحا من جاره قدرا. جحا emprunté à son voisin une casserole. تفعل نفس الشيء مع الذي تحته أحمد أخ كتاب. استعار أحمد أحمد فاعل. استعار أحمد من أخيه كتابا. استعار محمد من زميله حقيبة. استعار فاطمة تو فاعل. استعار فاطمة تو استعار فاطمة فاطمة من صديقته هي فاطمة هي صديقتها. أيوة صديقتها فاطمة. خلاص كيفنا عليك شيء بعد. طيب والذي بعده في النموذج يقول عندنا فعلان ولد ومات qui était enfanté et mat qui est mort. إن الذي يلد لابد أن يموت. C'est-à-dire celui qui naît, tu es obligé de mourir. Donc maintenant, tu es obligé de faire pareil avec les autres. Akala shabi'a. Inna alladhi ya'kul labud an yashba'. Celui qui mange, tu es obligé d'être rassasié. Inna alladhi yusafir labud an yasul. Yasil. Yasil. Bon, c'est pas obligé ça. Il peut voyager, il peut se perdre en route, il peut mourir en route, il peut rebrousser chemin. Jara, yajri, je veux dire courir. Yatab. La Bouddha en Yatab. Yanjah. Celui qui essaye est obligé de réussir. Ça, c'est pas vrai non plus. Mayalzam. Il peut essayer et rater. Celui qui rigole est obligé de pleurer. Arabia, remplir les trous. Dana Dahisha, qui veut dire être subjugué. Madat, qui veut dire être passé dans le temps. Kasada, qui veut dire vouloir une chose. Yaksido. Yatroko, qui veut dire frapper, à derrière la porte. Ta'akkada, qui veut dire s'assurer d'une chose. Sta'ara, emprunter. Ya'mulu, espérer. Adzaif, l'invité. Yabki, il pleure. Al-Atbaq, les assiettes. Kasada, c'est dire quoi ? Vouloir, kasada. Frapper à la porte. Tatarouk, ouais, je dis tatarouk. Tatarouk, non. Taïeb. L'oula, el maridu en yashfiyahu Allah. Le malade que Allah le guérisse. Ya'moulou. Thalithan, ar-rajulu indama ra'a hada al-manzar al-ajib. L'homme, lorsqu'il a vu ce magnifique paysage, ou ce surprenant paysage. Ce beau paysage. Dahisha. Salatatu ayyam lam azur fiha jari. Trois jours que je n'ai pas vu mon voisin. Madat. Trois jours sont passés, je n'ai pas vu mon voisin. Al-muslimu manzila al-marid li'audahu. Le musulman a besoin du malade pour le visiter. قصد خامسا أدارس كتابا من مكتبتي ووعد بأن يعيده بعد أسبوع. L'étudiant un livre à la bibliothèque en promettant de le ramener après une semaine. استعار. سادسا لا الباب تركا شديدا. تطرق. En fait non, c'est eux qui ont fait une erreur. C'est pas une fatah, c'est une sukun. La tatruk. C'est tatruk. Donc c'est bien comme j'avais dit au début. La fatha là, c'est une erreur. Allez, ouais. Ne frappe pas la porte violemment, fort. Sabiran, ana ta'irata satukli'u ba'd as-sa'a. Que l'avion va décoller dans une heure. T'inquiète. Naam. Thaminan. وَدَّعْتُ وَشَكَرْتُ عَلَى زِيَارَتِهِ. J'ai fait je dis au revoir à et je l'ai remercié pour sa visite. تَاسِعًا التِّفْلُ مَرَّتْ كَثِيرَةً فِي الْيَوْمِ. L'enfant plusieurs fois par jour, ou beaucoup de fois par jour. يَبْكِي. Non. عاشرا كانت مليئة بأنواع مختلفة من الطعام que était rempli de différentes formes, variétés de nourriture. نعم. الخامس مت Ouais, c'est trompé, ouais. En fait, c'est compléter les phrases. Attends. Attends, le khamis, tu feras pour demain, Inch'Allah. Là, c'est compléter les phrases, en vrai. Et non pas comme ils ont dit. يقول قصدت السوق لي j'ai voulu le marché pour tu mets la suite احب قصص الفكاهه لانها جامل histoire marrante parce qu'elle tu mets la suite يدهش يدهش الانسان عندما l'homme est choqué ou surpris lorsque اذا استعار احد شيئا يجب lorsque quelqu'un emprunte quelque chose il est obligatoire de ذهبت مع جماعه من الاصدقاء je suis parti avec un groupe d'amis سأزور صديقي. Je vais visiter mon ami. والسادس. Tu feras à la maison. جمال بي. السادس aussi. Ah, voilà. Mettre les mots dans des phrases. البكاء. Les pleurs. صاحة. Qui veut dire crier. دهشة. Être surpris, choqué ou على ذلك. عدة veut dire plusieurs يستعير emprunté طرق frapper à la porte يأمل يعني espérer صائحون c'est quelqu'un qui est en train de crier ah ouais صاحة c'est crier صائحون c'est الاسم فاعل خلاص نقفونا اليوم عدة c'est quoi une répétition plusieurs Et demain c'est dernier non le texte de demain ça sera mimbab akhd al-kalima par rapport au mot parce qu'en vrai dans le texte il y a du mensonge ils t'apprennent à mentir pour faire rire les gens et ça c'est pas permis tout comme celui-là d'ailleurs Kazalik. Le problème là c'est que en fait Joha il n'est pas dit qu'il est un menteur parce qu'il est trop stupide en fait ses paroles c'est pas du mensonge dans le sens où qu'il est tellement bête que c'est considéré comme étant une chose à laquelle il croit mais l'autre donc demain c'est un mensonge clair de quelqu'un qui est censé être aqil. نعم فنكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين بقي الساعة في